La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 14 avril 2019. Avec ma voix enrhumée, je vous propose ce soir une émission autour du Désert Mauve, ce beau roman de l'écrivaine et poète Nicole Brossard. Évidemment qu'on pense immédiatement à son magnifique Désert Mauve, un ouvrage qui puise aux sources du romanesque, mais qui flirte intelligemment avec l'univers réflexif de l'essai à propos du désir, de la civilisation et de la mort. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les lignes de ce texte. Le Désert Mauve de Nicole Brossard, c'est un objet littéraire assez inclassable qui a fasciné pendant longtemps Simon Dumas, écrivain, cinéaste, metteur en scène et animateur du collectif Rhizome. Cette fascination longue durée de Simon Dumas s'est concrétisée par la création et la diffusion d'un spectacle multidisciplinaire présenté à l'Espace Go à Montréal en septembre 2018 et à Québec au mois multi de février dernier sous l'intitulé Le Désert Mauve. Je vous propose ce soir une rencontre avec Simon Dumas à propos de cet objet littéraire et multidisciplinaire inspiré du Désert Mauve de Nicole Brossard. Le Désert Mauve est indescriptible et la civilisation est une forme de paysage, dit-elle, Brossard. Qui serons-nous au sortir de l'image? Voilà posé dès le départ le contexte du dialogue que mène sur scène et au travers des images en mouvement Nicole Brossard et Simon Dumas autour du roman culte. Ils vont ensemble chercher à donner de la clarté à cette histoire qui passe inlassablement de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité. Tout ça conditionné par l'obsession d'un processus, celui de traduire dans une même langue, du français au français, un récit originel. De ces récits qui forment la trame du roman de Nicole Brossard, Simon Dumas fait un spectacle où s'entremêlent conférences, théâtre, cinéma et paysages sonores. Son Désert Mauve, celui de Simon Dumas, prend la forme d'ailleurs, prend forme autour de voix magnifiques, celles de Mélissa Merlot, de Lise Castonguay, de Marie Gignac, d'Evelyne de la Chenelière et de Nicole Brossard. Il est aussi environné de sonorités envoûtantes, magnifiques, des paysages sonores réalisés par l'artiste Chantal Dumas. Voilà qui est dit. En matière d'intro, j'ai rencontré Simon Dumas il y a quelques semaines maintenant à propos de cette belle création scénique, cinématographique et sonore inventée autour d'un objet littéraire inclassable et surtout remarquable, le Désert Mauve de Nicole Brossard. Simon Dumas, grand plaisir de te rencontrer cet après-midi. Oui, le plaisir est partagé. Simon, tu travailles depuis plusieurs années sur un projet, ça s'intitule Le Désert Mauve, ça a été présenté à l'Espace Go à Montréal et tout récemment, au mois multi, Comment ça démarre, ce projet? La genèse du Désert Mauve, bon, il y a le roman de Nicole Brossard, mais il y a sûrement un déclencheur qui fait que t'es happé par ce travail littéraire. Oui, en fait, ça commence en 2003. Moi, j'ai découvert le roman par le biais d'une œuvre sonore, en fait, d'une mise en scène sonore. Donc, c'était une sorte de radio-fiction qui se mêlait avec des interventions poétiques de Nicole que Mathieu Campagna avait fait pour Rhizome en 2003 en espagnol. Donc, on avait présenté ça à la Foire du Livre de Guadalajara, auquel le Québec était invité d'honneur à l'époque. Et puis on a d'abord fait la pièce, et puis ensuite j'ai lu le roman. Donc c'est sûr que... Et puis la pièce portait exclusivement sur le roman dans le roman, parce que donc c'est une espèce d'œuvre, c'est un texte gigogne. Donc il y a le roman de Nicole Brossard, et à l'intérieur il y a un roman d'une auteure fictive paru chez un éditeur fictif, qu'une traductrice fictive va traduire du français au français. Mais moi, mon premier contact était avec la fiction dans la fiction, qui est l'histoire de Mélanie dans le désert de l'Arizona, qui vit avec sa mère dans un motel près de Tucson. Et puis, les images déjà de ce texte-là, les images sont très, très fortes. Donc, les premières images mentales que le roman de Brossard a suscité dans mon esprit provenaient de la bande sonore faite par Mathieu Campagna. Et ensuite, j'ai lu le roman. Et là, j'ai découvert l'œuvre qui porte sur des processus de traduction, de lecture, de réappropriation du sens, de perception. Il y a tout un questionnement ontologique et philosophique aussi qui sous-tend la chose sur, c'est ça, donc la perception, être vivant, la réalité, le désir et la mort. Donc, j'ai découvert tout ça. Et puis, dans la façon que Brossard le construit, c'est comme en pièces détachées. Donc, puis c'est un texte qui est très troué. Donc, pour le lecteur créatif, tu peux vraiment beaucoup te projeter dedans, en fait. Il y a beaucoup de hors-champ dans lequel tu peux vraiment étaler ton imagination ou ton imaginaire. Donc, ça, c'était déjà à la base très stimulant. Ça a commencé comme ça. Elle ne saura jamais pourquoi tout son être s'est enfoncé dans un livre. Pourquoi? Pendant 2 ans, elle s'est brisée, s'est allongée dans les pages de ce livre écrit par une femme dont elle ne sait rien, sinon la preuve présumée d'une existence recluse dans le temps et l'espace franchi d'un seul livre. Elle aurait voulu un dialogue. Dans la langue de l'auteur, tout avait été possible, mais dans la sienne, il fallait qu'elle trouve le petit endroit où le sens appelle quelques audaces. La beauté était à ce prix comme une espérée lumière. Maud Lorès retourna à sa table de travail, prit le livre, enleva l'élastique qui retenait les pages décollées. Toutes les pages étaient annotées. Ici le bleu, polysémie. Le vert, piste sonore. Le rouge, à vérifier. Le noir, incompréhensible. Le jaune, familier. Le rose, quel genre? Le mauve, quel temps? Dans les marges, des attentions qui pouvaient passer pour des remarques à la mine. Parfois un dessin pour faciliter la représentation. L'univers était un risque. Elle était une présence minimale, un espace embué devant la fenêtre, un jalon peut-être entre ce livre et son devenir. Simon, ce travail que tu élabores, que tu construis autour du roman de Nicole Brossard, il va prendre une forme assez singulière et j'aimerais ça que tu nous décrives assez sommairement là, l'environnement scénique, parce que ça va donner lieu à un travail de scène, mm-hmm. mais qui conjugue non seulement la scène proprement dite, mais des images en mouvement, des dialogues, un échange. Comment ça se passe, là, le Désert Mauve version Simon Dumas? Alors, là, l'idée, c'était de renouer avec un décor. Donc, ça faisait un bout de temps que j'avais pas, tu sais, travaillé avec une vraie scénographie, là, du bois, des madriers, puis on... Le principe de la scéno, c'était que plus on est en avant-scène, plus on est dans l'espace de travail. dans la salle de répétition ou l'atelier. Et plus on se dirige vers l'arrière-scène, plus on est dans un décor de fiction. Et donc, on essaie de donner, parce que c'est quand même relativement modeste comme scéno, mais on a essayé de donner à la scéno, puis il y avait des contraintes que je vais expliquer, des allures de chambre de motel croisées avec le bureau de l'écrivain, tu sais, l'espèce de coin lecture slash écriture. Donc, c'est ça. Donc, on a essayé de donner cette allure-là à tout ce qui est en fond de scène, en fait. La contrainte étant qu'on ne peut pas trop mettre de choses sur les murs parce que les murs se transforment en écran de projection. Donc, on ne peut pas accrocher plein de tableaux. Il y avait ce conflit-là, tu sais, entre rendre le décor signifiant en soi quand il n'y a pas de projection dedans, mais en même temps assez neutre pour qu'il puisse servir d'écran à un moment donné. Puis là, il y avait le conflit entre le metteur en scène et le vidéaste du projet, tu sais, qui voulait avoir des surfaces les plus clean possibles pour ses images. Moi, ça ne me dérangeait pas que ça soit moins clean, tu sais. Mais c'est vrai que c'est beau quand les images sont clean, ouais. Simon, quel a été le défi premier, principal, s'il y en a un seul, mais les principaux défis de ce projet-là à mesure que tu avances dans le dialogue aussi avec Nicole Brossard? Donc, le plus gros défi, à part de le financer, tu veux dire? Oui, bien, il y a eu un ajustement esthétique avec Nicole. Donc, et puis c'est parce que là, moi, j'ai une vision justement de l'esthétisme en art. Nicole n'a pas nécessairement la même. Donc, le beau, entre guillemets, n'a pas la même place. Puis donc, Nicole, pour elle, il fallait que ce soit beau. Il y avait une notion de contrôle. Parce que moi, j'aime bien travailler avec le laisser-aller, puis le hasard. Puis il y avait une notion de contrôle chez Nicole. Puis il y avait toute cette idée du jeu aussi. Parce que moi, je voulais qu'on discute pendant une demi-heure. Mais comment discuter si on sait déjà ce qu'on va se dire? Donc ça, c'était le premier défi, je dirais, là. Puis on a trouvé le dispositif de se lire des notes puis des extraits du texte. Mais je me suis rendu compte, après la première à Montréal, en fait, que j'aurais pu pousser Nicole plus loin dans le jeu, quelque part. T'sais. Mais bon, ça, c'est ça. Il y avait un défi conceptuel aussi, parce que l'idée, c'était de travailler dans l'esprit du roman et non à la lettre, ou avec la lettre du roman. Donc, ma première idée de scénario, parce que j'écris un scénario de long-métrage, puis l'idée, c'était de prendre des morceaux du scénario de long-métrage puis de l'intégrer dans un scénario de spectacle, parce que j'avais abandonné l'idée d'aller tourner un long-métrage comme étape transitoire. Ma première idée de long métrage, dans la première idée, il y avait le personnage de la traductrice, Maud Lavesse, qui trouve le livre à Montréal, puis etc. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça, c'était transposer la lettre du roman et non l'esprit. Qu'est-ce que ça devient dans le contexte d'un spectacle? Puis c'est là que j'ai dit, on devrait appeler le spectacle « Nous sommes Maud Lavesse, nous sommes la traductrice. Nous qui faisons le spectacle sommes les traducteurs qui allons traduire l'œuvre du langage littérature vers le langage cinéma. » Donc ça, c'est vraiment été le moteur, la ligne directrice qui a traversé conceptuellement toute la création, en fait. Et puis même le conflit, pas le conflit, mais le différent esthétique avec Nicole a été réintégré dans le discours du spectacle. Puis j'imagine qu'on l'a bien fait, parce qu'à Montréal, il y a des gens qui pensaient que je m'ostinais vraiment avec la grande Nicole Brossard, puis qui, lui, pour... Enfant, j'étais avide d'images. Je tenais la phrase dans ma bouche, comme une allumette. Une intuition de paysage universel. Puis, je parlais de ma mère avec une valise, comme avant ma naissance. j'écris, tout près de ce que j'écris, sans comparer. Je dessine mes propres bonds de lumière, j'avance à la vitesse du bas-ventre, où l'humanité enroule ses peurs dans le bruissement continu du temps. You know the story. Join up with your friends and neighbors for a better, safer community. It's also a good civil defense, which is everyone's responsibility. The dingy house on the left, the dirty and littered house on the right, or the clean white house in the middle. It is your choice. The reward may be survival. Simon, tu l'as un peu abordé, la grande singularité de ton spectacle par rapport à l'œuvre de Brossard. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es en rupture, en continuité, en parallèle de sa réflexion? Ah non, c'est ça. On n'est pas en... Le spectacle, ni moi d'ailleurs, on n'est pas du tout en rupture par rapport à la réflexion, à tout ce que soulève l'œuvre. En fait, là où il y avait peut-être une disjonction, c'est entre ma lecture du Désert mauve et celle de Nicole. Mais à quelque part, l'écrivain, même auteur d'une œuvre, on est aussi lecteur. Puis en tant que lecteur, on a beaucoup de droits. L'auteur a une reconnaissance, etc. Mais le lecteur a le droit de percevoir une œuvre comme il veut, tu sais, quelque part, là, c'est ça. Et donc, Nicole a une certaine vision de son œuvre. Moi, j'ai ma propre vision de son œuvre aussi. Plus que ça, hein, plus que dans la vision de l'œuvre, c'est comment il y avait quelque chose de l'ordre de comment Nicole désirait que son œuvre soit perçue à travers le spectacle. Mais la singularité du spectacle, effectivement, elle repose dans le fait qu'on a transposé une partie des... Parce que Nicole s'intéressait dans le roman à des questions de processus de traduction littéraire, puis elle s'intéresse principalement à la littérature et au langage. Puis la singularité du spectacle, c'est qu'on on déplace ces questions-là, mais dans le domaine de l'interdisciplinarité et du spectacle, plutôt que d'illustrer des questionnements littéraires sur la scène. Bon, je pense que la singularité et puis la force, quelque part, du spectacle est là. Simon, on va écouter encore un extrait de ce beau projet intitulé « Le désert mauve ». La nuit est belle. La nuit est ce qui permet de soudains changements. La nuit est concrète. La nuit est oblique. D'un côté, les êtres, de l'autre, les bêtes. C'est pourquoi nous tremblons, la nuit venue, de ne point trouver notre lieu. Voici que nous nous adressons tout naturellement la parole. Et pourtant, Angela Parkins, je ne sais rien de vous. Je viens du désert. Que savez-vous du désert, du soleil et des hommes? Ma mère dit que... Le désert est un espace. Un jour, des hommes y sont venus et ils ont affirmé que cet espace était enfin conquis. Ils ont dit souffrir de leur conquête. Ils ont souffert car le désert ne permet aucune erreur. Mais les hommes ont confondu l'erreur et la souffrance. Ils ont conclu que leur souffrance pouvait corriger l'erreur de la nature même de l'erreur. Ils se sont ainsi abouchés à la mort. C'est une belle nuit. La nuit est toujours belle, car elle nous oblige à ressentir avec notre peau et les yeux de l'intérieur. La nuit, on ne peut se fier qu'à soi. La nuit est belle en toute solitude, mais votre présence me rend cette nuit encore plus vraie. La nuit est insolite. C'est parce que le corps change de rythme. La nuit, il faut surtout attendre que le corps change sa trajectoire dans l'univers, qu'il se meuve de manière à ce que tous nos sens puissent transiter librement, capter le grand vide. Quel âge avez-vous? J'espère ne jamais devenir comme les autres. Comment savez-vous que vous ne l'êtes point devenu? Je sais. J'ai soif. Il y a longtemps que vous avez fait tatouer ce papillon sur votre épaule? Un mois. Cela me donne de la force pour affronter la réalité. Cela me donne des ailes. Je suis Sagittaire. Cela me donne l'impression que quelqu'un a posé sa main sur mon épaule, m'a regardée, m'a instruite. Vous instruite de quoi? Vous voulez vraiment qu'on vous instruise de la vie? Vous avez sans doute désiré cela un jour. J'ai fait mon chemin. Je ne dois rien à personne. Croyez-vous que c'est la manière de trouver la joie? J'ai soif. Je passe des heures et des heures à repousser la soif, à attendre le coucher du soleil. Je passe ma vie à regarder en détail l'horizon. Je n'ai jamais songé au bonheur. Je fonce. Je brame. Vous connaissez cet animal? Quel animal? Le cerf. On dit qu'il est souvent comparé à l'arbre de vie et qu'il symbolise les renaissances. Chez les Pueblos, il représente la rénovation cyclique. Mélanie, qu'est-ce que vous me racontez là? Ce que j'ai lu. Approchez-vous. Laissez-moi regarder attentivement ce papillon. Le thorax est celui d'un grand sphinx. Et alors? Rien. Pourquoi avez-vous dit que la nuit, le corps change de rythme? Parce que c'est vrai. Croyez-vous que j'aurais osé vous suivre et vous adresser la parole au grand jour? Le jour je suis loin, au grand loin, dans l'immensité. Le jour je n'ai d'attention que pour la croûte terrestre. Vous ne voulez donc point que l'on vous aime? Je ne suis pas aimable. Ma soif est trop grande. Mélanie, vous êtes bien jeune. Votre mère s'inquiète sans doute déjà de votre absence. Ma mère me connaît. Elle sait que nuit et jour, j'éprouve le besoin de filer, d'aller toujours un peu plus loin devant moi pour désenclaver la réalité. Je crois que nous nous ressemblons. Sans miroir, on ne saurait le dire. Je crois que nos yeux savent mieux reconnaître lorsqu'il n'y a pas de reflet. Voilà, je suis près de vous. Me reconnaissez-vous? Oui, je vous reconnais. Il est vrai que vous êtes sans âge. Vous avez toujours existé. Ne croyez surtout pas que j'invente. Je discerne parmi les signes et les indices ce qui en vous est fait pour durer. Vous n'avez pas à craindre le temps. Seule la vitesse vous abîmera. Ne dites pas cela. J'aime vivre vite. C'est bien quoi je vous reconnais. La pluie. Restez encore un instant. La pluie ne peut qu'adoucir nos lèvres et rendre la nuit palpable. La pluie sur vos lèvres est fine. Nous implorons de vous la pluie, le don, l'immortalité. Simon, l'environnement sonore du désert mauve, c'est une création de Chantal Dumas. J'imagine que dès le départ, tu avais des objectifs, une attente encore là, parce qu'on est dans une dynamique de traduction, pour reprendre ton expression, celle de Nicole Brossard. Alors, ben moi, c'est sûr que Rhizome, au départ, ça a été fondé sur les arts sonores et la rencontre entre les arts sonores et la littérature. Puis beaucoup de l'inspiration de la radio-fiction. T'sais. Pour en avoir fait beaucoup, je suis familier avec le pouvoir évocateur du son et la magie qu'on peut faire. T'sais. Donc, utiliser des gants de vaisselle pour l'envol d'un corbeau, un vieux ventilateur pour un hélicoptère militaire. Donc, j'étais au courant de ça. J'étais aussi au courant du très peu de moyens qu'on avait pour donner le change, tu sais, est-ce qu'on va faire croire aux gens qu'on est vraiment en Arizona? Mm-hmm. Et donc, mon idée, c'était que, au départ, je m'étais dit, je voulais qu'il y ait un glissement entre une trame son qui aurait été très réaliste et narrative, avec des images poétiques, vers un inversement, où là, les images prennent en charge, j'ai envie de dire, le récit narratif, puis le son devient plus évocateur, plus abstrait, ou tu sais, prend en charge, mettons, la ligne de fond émotionnelle. Donc, je voulais qu'au départ, le son transporte les infos du récit, puis que les images soient poético-émotives, machin, et que ça s'inverse dans une espèce de fondu enchaîné. Et puis au départ, j'avais commencé à travailler comme ça avec Marc Doucet, puis je savais que faire du son narratif, c'était la force de Marc. Puis aussi, son gros trip, c'est faire du bruitage. Et puis là, pour toutes sortes de considérations, circonstances, etc., le flambeau s'est passé de Marc Doucet à Chantal Dumas. Mais après le tournage, c'est qu'on n'avait comme aucun son de tournage parce que Marc voulait tout faire en bruitage. Je voulais tout faire en studio, finalement. Tout faire en studio, c'est ça. C'est-à-dire que Chantal avait un gros défi, parce que elle, le bruitage, c'est pas tant son expertise, sa tasse de thé. Et puis, c'est sûr que mon idée, tu sais, de son narratif, etc., c'est comme déplacé, puis ça s'est un peu transformé en une carte blanche à Chantal, ce qui est pas plus mal, parce que c'est une immense artiste. Puis ça le fait, finalement. Notamment la crise d'angoisse de l'homme long, là, qu'il fallait vraiment... fallait pas faire comprendre au public que c'était une crise d'anxiété, mais que carrément faire une crise d'anxiété au public autant que possible. Là. Puis ça, c'est vraiment la job du son, là, quelque part. Ouais. Tout à fait. Et on écoute un extrait du travail sonore proprement dit de Chantal Dumas pour Le désert mauve. Simon, le désert mauve, c'est bon, une étape dans ton cheminement d'écrivain, de concepteur, de créateur. Il reste que le son, les sonorités, tu l'as évoqué avec Rhizome, mais il reste que dans ton travail, le son, les sonorités ont une grande importance. Et j'aimerais t'entendre sur cette matière-là. Comment elle est réfléchie de ta part? Bien, comme je disais, beaucoup travaillé avec des mises en scène sonores, narratives, les premières années, et sans images. Donc, c'était intéressant. Puis ensuite, il y a un vidéaste, bon, on parle d'il y a presque 20 ans, il y a un vidéaste qui est arrivé, il dit, je pourrais mettre des images là-dessus, mais le travail était comme inversé. Donc, c'est-à-dire que le travail sonore précédait celui des images. Donc ça, c'était intéressant. Puis ensuite, beaucoup à travers Éric Dorion, j'ai découvert tout ce qui était non figuratif. Puis, ces arts sonores, d'autres types d'arts sonores. Et puis, je trouve ça très, très, très intéressant de travailler avec ces matières, ces textures-là aussi. Je trouve que il y a une parenté naturelle, tu sais, entre la littérature, puis particulièrement la poésie, puis les arts sonores, parce que dans les deux cas, on parle d'un art immatériel. Hein, c'est un code langagier d'un côté, puis c'est des vibrations de l'air de l'autre. Et puis, c'est facile de faire se rencontrer des poètes et des artistes sonores. Souvent, ça clique du premier coup, alors que, par exemple, avec des artistes de la danse, c'est pas gagné toujours du premier coup. Parce que là, les codes du travail sont fortement différents, en fait. Puis, il y a un grand décalage entre le rapport au corps d'un danseur puis d'un écrivain, que t'as beaucoup moins entre l'artiste sonore. Puis... ouais, tout à fait. Il y a une filiation, en tout cas, à travers ce qu'on appelle la poésie sonore, les machines d'enregistrement, de reproduction de la voix, effectivement. Simon, j'aimerais, avant qu'on termine cette rencontre, que tu me parles de votre tout dernier projet qui s'appelle Vocalité. Parce qu'il a une dimension encore là, à la fois sonore, documentaire, projet que vous avez réalisé l'été dernier, ou en tout cas qui est démarré depuis un petit moment. Comment ça? Ouais, en fait, Vocalité vivante, ça commence en 2009, donc puis ça culmine en 2018. Et puis ça, c'est un bon exemple, en fait, de notre démarche, parce que tout part du texte. Le texte de Carl La Charité qui s'intitule « Le vivant ». Ensuite, Éric Dorion a fait une pièce qui va avec le vivant, dans laquelle la lecture de Carl s'est insérée. Et puis, le fait qu'on ait besoin de donner à dire des textes de Carl à des Kidam, en fait, ça vient du texte de Carl. C'est qu'à un moment donné, il passe d'une narration qui n'est pas incarnée, donc une narration indéterminée. Ça se morcelle, ça se divise, etc. À un moment donné, il y a un « il ». Un « je » arrive, puis tout à coup, il y a un « nous ». Le « nous », il arrive comme une claque d'en face. « Nous, les plus pauvres, creusions aussi, etc. » Puis là, j'ai dit, ce « nous-là », il s'est imposé dans le projet. Et donc, cette idée d'aller à la rencontre des gens, de communautés, au début, c'était en espagnol. C'était un peu sur la traduction, mais on s'est dit que ça n'a pas rapport à la traduction dans le texte. Le texte n'appelait pas la traduction. Il appelait la communauté. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'aller à la rencontre de communautés francophones. Puis on faisait lire les textes de Carl à la caméra qu'on intégrait dans la lecture spectacle. Et puis, Vocalité vivante, en fait, là, c'était l'idée d'en faire vraiment un parcours d'art relationnel dans la francophonie canadienne. Moi, c'est pas toute une autre ampleur pour vraiment, systématiser et élargir l'échantillonnage. Et puis, ça l'a donné, le spectacle synthèse Vocalité vivante. Le spectacle Le vivant était présenté dans différents villages et communautés de la francophonie canadienne. Le long métrage Vocalité vivante de David Ricard, qui est excellent, qui va être présenté au FIFA bientôt. Donc, franchement, c'est un bon exemple. Tout ça, c'est parti d'un poème de 17 pages. Et puis, c'est le poème qui a appelé toutes les étapes. Simon, on invite le public à être attentif à Vocalité vivante qui continue son bout de chemin. Vocalité? Vocalité.ca, il y a la carte interactive où on voit partout où on est allé. Il y a tous les clips des gens qu'on a rencontrés. Il y a l'intégrale du spectacle synthèse qu'on a présenté à Québec et puis une bande-annonce du film. Simon Dumas, merci d'avoir accordé cette belle rencontre. Merci Gaétan Gosselin. La nuit est belle, hein? La nuit, on change. Tout change soudainement la nuit. La nuit, pour moi, c'est... c'est concret. La nuit divise. D'un côté, les êtres humains. De l'autre, les animaux. C'est pour ça qu'on a peur, la nuit. On a peur de ne pas trouver sa place. Là, on se parle. On se parle comme si de rien n'était, mais on se connaît pas, Angela Parkins. Je viens du désert. Qu'est-ce que tu connais? Du désert, du soleil, puis des hommes. Ma mère... Le désert, c'est un espace. Un jour, il y a des hommes qui sont allés dans le désert. Ils ont marché sur le désert. Puis ils ont décidé que maintenant, le désert, c'était à eux. Mais ça pardonne pas le désert. Je pense que le désert leur a jamais pardonné. Ouais. C'est vraiment une belle nuit. La nuit est toujours belle. Elle est belle parce qu'elle nous oblige à voir avec la peau. La nuit, j'aime ça être toute seule. La nuit est belle quand on est seul. Mais avec toi, c'est pas pareil. Tu trouves pas que la nuit, c'est insolite? C'est toujours la nuit que les choses se passent. C'est parce que le corps change de rythme, je pense. Le corps change surtout de trajectoire, moi, je pense. De quel âge? J'espère que je deviendrai jamais comme les autres. Comment tu sais que t'es pas déjà devenue comme les autres? Je le sais. J'ai soif. Ça fait longtemps que tu t'es fait tatouer le papillon sur ton épaule? Un mois. Ça me donne la force d'affronter la réalité. Ça me donne des ailes. Ça me donne l'impression que quelqu'un a posé sa main sur mon épaule, m'a regardé, puis m'a appris des choses. Des choses? Quelles choses? T'es sûre que tu veux qu'on t'apprenne des choses? T'as jamais voulu ça, toi? J'ai fait mon chemin toute seule. Je dois rien à personne. As-tu trouvé le bonheur comme ça? Soif. Toute la journée, je repousse la soif. Pas le temps de penser au bonheur. Je fonce. Je brame. Tu connais ça, les cerfs? Il paraît que le cerf est souvent comparé à l'arbre de vie et qui symbolise les renaissances. Chez les Pueblos, il représente la rénovation cyclique. Pourquoi tu me dis ça, Mélanie? Comme ça. Parce que je l'ai lu. Viens. Viens plus proche. Je veux voir ton papillon. C'est un grand sphinx. Puis... Tantôt t'as dit que la nuit, le corps change de rythme. Parce que c'est vrai. Penses-tu que j'aurais osé te suivre et te parler en plein jour? En plein jour, je suis loin. Je suis pas là en plein jour. Je suis au grand loin dans l'immensité. Tout ce qui compte pour moi le jour, c'est la croûte terrestre. Tu veux pas qu'on t'aime? Je suis pas aimable. J'ai trop soif. ZKRL. Communication. Culture. Le sang. Le sang. La croche-oreille. Une présentation d'Avatar. Le sang. Alors, c'est la croche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL de 89.1. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous allez trouver ça facilement sur le web, ainsi que toutes les émissions disponibles en balado-diffusion. Alors, j'accueillais ce soir l'écrivain, cinéaste et animateur de l'organisme Rhizome, Simon Dumas, à propos de cette belle création scénique, cinématographique et sonore, Le désert mauve, une création inspirée du roman de Nicole Brossard, du même intitulé. À propos de Nicole Brossard, eh bien, elle a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages de poésie, pour la plupart. Deux fois récipiendaire du prix du gouverneur général en 74, en 84, pour sa poésie. Elle compte parmi ces jeunes écrivains qui vont renouveler la poésie québécoise dans les années 70. Parmi ses romans, Le désert mauve, paru en 1987, est considéré par plusieurs comme le premier roman postmoderne du Québec. Ce désert mauve scénique, cinématographique de Simon Dumas est aussi environné d'une trame sonore magnifique créée par l'artiste Chantal Dumas qui explore depuis plusieurs années le potentiel du son à travers l'installation, la création radiophonique, la composition et le design sonore. Alors voilà, ça achève la croche-oreille pour ce soir autour du désert mauve, version scénique et sonore de Simon Dumas. Mes remerciements chaleureux à Simon Dumas. Cela dit, restez avec nous. C'est la web musique qui s'en vient à l'instant. Je termine l'émission sur des sonorités de Chantal Dumas créées pour le désert mauve. Et je vous dis là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL de 89.1 pour la croche-oreille. Alors ici, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Ce qui se noue dans le cœur, se noue du silence d'autrui. Tu sais, ta voix... Ta belle voix ne m'a jamais vraiment parlé. Ta voix s'est superposée à la médiocrité qui, dans ce motel, écarte tout espoir. Je t'ai instruite par mes gestes et mon courage. La première fois que j'ai vu Lorna, je l'ai trouvée belle. Et j'ai prononcé le mot salope. J'avais 5 ans. Au souper, ma mère lui souriait. Elle se regardait et quand elle parlait, leur voix était pleine d'intonation. J'observais obstinément leur bouche. Lorsqu'elle prononçait des mots qui commençaient par M, leurs lèvres disparaissaient un instant, puis, gonflées, se réanimaient avec une incroyable rapidité. Lorna dit qu'elle aimait le molly et la mousse de saumon. « Je renversai mon verre de lait et la nappe se transforma en Amérique avec une Floride qui se prolongeait sous la salière. Ma mère épongea l'Amérique. Pourquoi m'as-tu mise à mort? Tu vas vite, Angela. Tu vas trop directement au cœur de l'essentiel. Ne préfères-tu pas que nous parlions d'abord de toi ou de moi? Quelque part que nous retrouvions les paysages familiers de l'Arizona? Soit. Si tu le veux, nous pouvons dès maintenant parler de ta mort. Mais avant, jure-moi que tu n'as rien vu venir. Jure-le-moi. Vu venir quoi? L'amour? La mort? Vu venir qui? Mélanie ou l'assassin? Vu venir la réprobation. Quoi? Tu m'aurais puni de ce que je suis. Je ne parle pas de toi. Je parle de tout autour de toi. L'œil, l'intolérance, la folie, la violence. Alors je n'ai rien vu venir. Certes, je me suis vue perdue et perdue, farouche et minotaure, ivre et arrogante, joyeuse et cavalière, nostalgique et amoureuse, mais je n'ai pas vu venir la folie de cet homme. Tu le connaissais pourtant. Je le connaissais de réputation. C'était un inventeur, un grand savant. Mais comment aurais-je pu penser que cet homme portait en lui une telle haine? Tu n'as rien remarqué dans son allure, dans son regard? Il avait l'air normal. Il avait l'air d'un client normal. À vrai dire, je ne l'ai pas remarqué. Tout mon être était dans le rythme qui me rapprochait de Mélanie. Alors je vais tenter de te dire pourquoi tu es morte aussi soudainement, absurdement. Tu es morte parce que tu as oublié de regarder autour de toi. Tu t'es trop vite affranchie, et parce que tu t'es crue libre, tu n'as plus voulu regarder autour de toi. Tu as oublié la réalité. Tu aurais pu m'aider, me faire signe. Il est vrai que je t'ai cru à l'écart du danger et des aboiements. Je t'ai imaginé passionné et capable en cela d'éloigner le mauvais sort. Je t'ai cru plus forte que la réalité. Mais imaginant la scène, tu aurais pu en changer le cours. Tu aurais pu faire ricocher la balle ou me blesser légèrement. Non. C'était toi ou lui. Car si cet homme t'avait seulement blessé, tu te serais retourné contre lui avec une telle fureur que c'est toi qui l'aurais mis à mort. De toute manière, ta vie aurait été gâchée. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.